Ton amour est grand, Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. Tu soutiens mon âme et contiens mes allures, Seigneur. Tu préviens les jours de ma vie et retiens la pression de l'ennemi. Tu es merveilleux, Seigneur. Et rien ne me tient si fort que ce bien qui maintient mon cœur dans ce lien de ton amour. Alléluia. Tu viens rendre, tiens, tous les défis de ma vie. Et mon cœur plein de cet amour saint me rend serein. Et plus jamais je ne crains mes lendemains incertains. Tu es ma vie, Jésus. Tu es incomparable. Tu es la force de mon âme, le soutien de mon existence. Incomparable. Le Dieu vivant. Merci Père.